Flamingos. Flamingos. Une expérience sonore. Oh, que du bon son, que du bon son! Eh bien, merci, bienvenue dans ce Flamingos. Merci de nous retrouver dans cet espace podcastique avec un principe très simple. On a un thème, on a des chroniqueurs qui sont pas tout à fait experts, ils sont experts approximatifs, c'est ça le concept. Le thème, on va vous le donner d'ici quelques instants, mais laissez-moi vous présenter ce parterre de chroniqueurs qui... Oh, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On commence par Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. Nico, ça fait plaisir de t'accueillir dans ce podcast qui est un peu décentralisé, on peut dire. On enregistre... pas dans les endroits habituels, on a fait 100 km, on peut le dire, pour venir enregistrer chez Nico, et on découvrira chez qui d'autre par la suite. Nico, quel état d'esprit? Es-tu un bon expert? Moi, je suis totalement en mode tranquille, c'est ma première fois à la radio, donc j'y vais en toute décontraction. Très bien. Vous savez que ce soir, on est rediffusé sur RTL, Europe 2, Skyrock et... Énergie même. Énergie aussi. Et je pense sur une radio interne Saint-Brieuc. Et parce qu'on enregistre à Saint-Brieuc et c'est la première fois. Vous l'avez entendu, elle est formidable. Elle a mis sa veste léopard. Ce soir, elle va ronronner, elle va griffer. C'est Bridget. Ça va, Bridget? Bonsoir à tous, ça va. Ben, moi, vous me connaissez déjà, hein, donc pas besoin de me présenter. Bridget, la tôlière, une tôlière de l'émission. La vieille, vas-y, dis-le. Ben, je trouve que ça fait un peu vieux, le mot tôlière. Ouais, tiens, l'établissement depuis 20 ans. Ben, en tout cas, une très bonne chroniqueuse approximative, une experte. Des fois. Une experte, des fois, approximative, toujours. Et nous avons également Olive ce soir. Bonsoir Olive. Salut tout le monde. Et vous croyez que c'était un monsieur, mais non, Olive, c'est une jeune demoiselle. Eh oui, c'est moi. Et bon, ça va? Oui, ça va, très bien. C'est ta première radio? Non, j'en ai fait quelques-unes hein, déjà, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait. Moi, je me crois déjà sur RTL. Je sais que c'est que sur Internet, mais c'est pas grave. J'ai l'impression d'être sur RTL. Bon, je vous ai donné le principe. Il y a un thème qu'on va retourner dans tous les sens. C'est le principe de l'expertise. Ce soir, j'avais envie de faire venir quelqu'un de connu, quelqu'un qui nous a quittés, mais que j'ai la possibilité de faire revenir pour nous présenter le thème. Ça vous va? Oui, très bien. Tout à fait. Vas-y. Salut, c'est le retour de Johnny. Ce soir, dans votre podcast Flamingos, il va y avoir du très lourd, ça va être rock'n'roll. Le thème traité est celui des voyages. Je vous avais parlé que j'étais allé sur la route de Memphis un jour, c'était un beau voyage. Mais ce soir, place à vos experts. Merci Johnny, vraiment ça fait plaisir. Vous y attendiez pas, hein? Pas du tout. Pas du tout. Non. Lui non plus. Il ne s'y attendait pas. Donc vous avez compris le thème, c'est les voyages. C'est beau, quand même. On vous emmène voyager avec nous, auditeurs, auditrices. Jusqu'au paradis. Bah oui, visiblement. Évidemment, il est là, au paradis des rockers. Puisque le thème, c'est les voyages, nous avons aussi un sommaire croustillant pour rentrer dans ce thème et pour le décortiquer. Nous allons faire un petit tour de table pour voir ce qu'on pense des voyages à travers plusieurs questions. J'adore ces petits tours de table, pas vous? C'est là où on découvre les gens, sur le tour de table. Il y aura des cartes postales. Ah oui, ça c'est une chronique que j'introduis pour chacun de vous. Donc Nico. Moi, les cartes postales. Nico, je t'ai écrit une carte postale d'un endroit. Tout à fait. Qui était... En vrai, je t'en ai écrit, mais là, ce soir, je t'en ai écrit une un peu virtuelle, et tu vas devoir deviner d'où ça a été écrit. Ça te va comme principe? Ça me va très bien, oui. J'en ai écrit une pour Brie également, j'en ai écrit une pour Olive, ah. Et vous devrez deviner, au vu du texte de la carte postale, où ça a été écrit. Voilà, c'est la chronique carte postale qui reviendra de façon récurrente dans ce podcast. Ah, il y a des surprises hein, ce soir. Il y aura également les souvenirs de vacances. Je vous donne une question déjà, vous allez pouvoir y réfléchir. Avez-vous eu un béguin au cours d'un séjour en vacances? Voilà, ça c'est une des questions par exemple. Béguin, ça fait un peu vieux comme mot, non? Un crush? Un crush, c'est mieux de dire crush? Bah, ça fait un peu plus jeune, hein, je crois qu'Olivier est d'accord avec moi. Hein. Ouais. Allez, soyons jeunes ce soir. Avez-vous eu un crush en vacances? Et pas un candy crush? Il y aura également les destinations les plus dangereuses, une chronique que j'attends particulièrement. Olive a travaillé justement cet aspect du dark tourist. Ils sont de plus en plus nombreux, les touristes, à aller dans des endroits insolites, dangereux même des fois, pour se faire un peu des sensations. Olive, tu as travaillé le sujet. Oui, alors j'ai pris un peu de liberté quant à ce sujet, je préfère en préciser. D'accord, eh ben, j'ai hâte de savoir les libertés que tu as prises. Parce que j'ai hâte, vraiment. Ouais. Tu peux. Il y aura également un spécial quiz avec des instruments du monde. Vous allez devoir deviner d'où viennent les instruments que je vais vous faire écouter. Là, j'ai vraiment été dans des endroits incroyables, chercher des instruments totalement typiques de certaines régions du monde. Et vous allez essayer de deviner où. Ça vous va? Ça nous va. Tout à fait. L'Amérique, une des dernières chroniques. Deux personnes autour de la table de chroniqueurs ont été aux États-Unis et on racontera notre expérience du pays de l'oncle Sam. Et on ne vous dit pas qui est allé, vous découvrirez. Il faut nous écouter, il faut écouter le podcast Flamingos. Vous voyez qu'on a travaillé ce thème. Et on finira, ah oui, parce que c'est vraiment une grosse émission ce soir, on finira par vous faire découvrir les voyages d'à côté. Parce que des fois, pour voyager, il ne faut pas faire des milliards de kilomètres. Sinon, vous vous retrouvez sur Mars. Mais faites simplement 10 km et vous êtes dépaysé. On vous fera part de nos expériences de voyage à proximité. Voilà un beau sommaire. Tour de table du Flamingos, direction les voyages. On commence par un petit tour de table. Ça vous va? Oui. Alors, vous connaissez le site Copain d'avant? Oui. Oui. Est-ce que c'est vrai que tout le monde a un compte Copain d'avant, j'ai l'impression? Non, moi j'en ai pas. Non, pas du tout. Moi j'en ai un. Moi j'en ai un. Non, je trouve que c'est pas de ma génération. Ça marque une génération? Oui. Je pense que c'est plus les années... Enfin, ceux qui sont nés dans les années 80 ou un truc comme ça. C'est ça. Tout oui, à fait moi. Parce que moi j'en ai pas. Toi, t'as pas de... Et non. Tu vois les plus vieux, quoi, les... Bah oui, les seniors. Après, les copains d'avant, en général, tout ce qui était Facebook et tout, c'était quand ça a commencé à arriver, quand j'étais au collège. Donc, j'ai gardé contact par rapport à ça, quoi. Moi, je me suis inscrite sur les dernières années, je pense. Ah, t'es la dernière inscrite sur copains d'avant. J'ai jamais vraiment utilisé. C'était pas mal. Du coup, vous connaissez pas le principe, il fallait retrouver les copains des classes... que vous aviez eu. D'accord. C'est un peu Facebook. Quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, on les avait sur Facebook. Ouais, Mais il n'y avait pas Facebook à l'époque. Au lycée, on avait Facebook. Hein. Pas à notre époque, du coup. La mienne. Brie, il y avait. Il y avait Facebook au lycée? Non, Facebook, ça arrivait un petit peu après Copain d'avant. Et justement, moi, il y a une rubrique que j'adore sur Copain d'avant, que tout le monde a renseigné d'ailleurs. C'est la rubrique Je rêve d'y aller. C'était ça. Les gens, sur une carte, ils mettaient de façon interactive les endroits où ils rêvaient d'aller. Et du coup, j'aimais bien deviner un peu mes camarades où ils aimeraient bien aller dans leur vie. Et ça dit beaucoup de la personnalité des gens, je trouve. Il y avait deux couleurs. En rouge, on indiquait là où on avait été, les pays où on avait été. C'était une carte du monde. Et en vert, c'était les pays où on rêvait d'aller. C'est ça, exactement. Donc ça ne vous parle pas, mais ça parlera à beaucoup d'auditeurs, j'en suis certain. Et justement... Où rêvez-vous d'aller? Je commence par Nico. Eh bien, moi, j'aimerais beaucoup aller en Islande. Et pourquoi? Pour les aurores boréales, pour l'après-midi qui se finit à 15h, il fait nuit à 15-16h. Voilà, c'est tout. Bah, je comprends. Je comprends complètement et je vais te dire, j'ai fait l'exercice aussi, j'ai mis... Islande, tu peux regarder, c'est écrit. Et pour les mêmes raisons que toi, le côté volcanique, le côté un peu dépaysement total. Olive, où rêves-tu d'aller? Eh ben moi, j'ai aucune idée. Ah, ça t'a laissé sans voix. Oui, ça m'a laissé sans voix. T'as pas envie de rejoindre Nico en Islande? Non, pas spécialement. Oh, non, le non. Vent. Le vent en direct. Non, on ira ensemble. J'encaisse. Non, si, l'Islande, ça doit être sympa. L'Australie aussi, ça peut être bien aussi pour le soleil, les kangourous. Les grosses araignées. Ouais, un peu moins ça. C'est son côté arachnophobe. Très loin, l'Australie. D'accord, l'Australie, c'est pas mal. Bonne destination. Je crois qu'il y avait beaucoup d'ailleurs de gens qui répondaient ça. Je voyais souvent cocher ce gros espace de territoire très loin de chez nous. Brie, toi, où tu rêves d'aller ? J'aimerais bien là, tout ce qui est la côte méditerranéenne, la Crète, la Croatie, tous ces endroits-là. Eh, je t'ai fait un clin d'œil parce que moi aussi. Hein. Ouais, enfin, j'attends l'invitation. C'est ça. Bah, ça viendra. Eh bien, moi, je vais vous dire où je rêve d'aller. Il y avait écrit Islande, mais j'avais écrit aussi Brésil. Parce que le Brésil, c'est quand même, ça réunit toutes mes passions. Les femmes. Les brésiliennes. Oui, les brésiliennes, le surf. Avec un petit truc en plus, non, les brésiliennes. Ouais, ça, ce petit truc en plus, c'est moins mon truc en plus. Non, le Brésil, même la langue, je trouve qu'elle est très belle, la langue. Enfin, tu vas au Portugal, c'est pareil. Non, c'est pas la même musicalité. C'est pas tout à fait la même. Et ça, l'accent brésilien est pas très différent. Mais il est différent. Et moi, c'est chantant. Moi, ça me fait rêver. Et j'ai mis le Canada aussi. Et l'île de Vancouver. Je pense qu'il y a un côté très territoire blanc, couvert de neige. Un peu comme l'Islande aussi. Alors, et si je vous demande de me trouver un endroit où vous iriez pour vous vider la tête, un endroit loin, si vous deviez partir en voyage pour vous vider la tête, on va commencer par Olive. Ouais, je dirais la Norvège. Tu penses qu'en Norvège, on se vide bien la tête ? Oui, je pense qu'on peut faire des belles balades. Ouais. Moi, je te vois bien faire une balade dans une grande forêt enneigée. Oui, exactement, oui. Rentrer comme un peu en Islande, à 16h, il fait nuit, tu prends un bon bain nordique. Un bain nordique. Ah ouais. Ah ouais, on doit se vider la tête, je pense. Pas mal. Nico, toi, où irais-tu pour te vider la tête ? Eh bien, moi, j'ai envie de tenter l'Autriche. Ah ouais ? Ah, mais c'est beau, avec les Alpes autrichiennes, et tout. Et Dieu sait que l'Autriche, c'est pas le pays que pensent les gens en premier, mais c'est une situation, un endroit géographique inattendu et avec des montagnes à perte de vue. Donc, dans un petit jacuzzi, un balcon en hauteur. Pourquoi pas, quoi. Tu me le vends, là, hein. Le rêve autrichien. Tu es allé en Autriche ? J'ai l'impression que tu connais ce pays. Pas du tout. Ah ouais ? Non, j'ai... D'intuition, tu penses que... Mais je pense aussi. On avait vu des vidéos par rapport à l'amour est dans le pré, où ils étaient allés en Autriche. C'était plutôt cool. Mais ouais, je vois exactement. Mais je pense que c'est effectivement les Alpes autrichiennes. On m'en a dit beaucoup de bien. Donc, très, très bel endroit pour se vider la tête. Et toi, Bridget, as-tu un endroit pour te vider la tête si tu voulais partir en voyage, même d'intuition comme ça, tu penses que là-bas, oui, j'oublierai mes soucis. Après, je ferais bien les États-Unis, traverser les États-Unis, en fait, le road trip traverser les États-Unis, la route 66. Un camping-car, et puis voilà, c'est tout. On va de motel en motel. Voilà. Après, la question aussi qui est importante, c'est combien le temps pour se vider la tête ? Combien de jours, combien le temps pour se vider la tête ? Bon, l'avantage du podcast, c'est un budget illimité. Hein, mais c'est pour de faux. C'est ça le problème. je sais pas, 15 jours. 15 jours, c'est des bonnes vacances. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, c'est quoi le temps de vacances idéal pour vous ? Moi, 15 jours, ça me plaît. Parce qu'une semaine, c'est trop court, je trouve. Après, il faut avoir le budget, évidemment, pour rester 15 jours. Mais... Quand on commence à décompresser, on est obligé de repartir quoi, avec une semaine. Au moins 15 jours, on profite. 3 semaines, c'est encore mieux. Ouais, moi, je valide 15 jours aussi. Une semaine, c'est beaucoup trop. trop court. Mais ouais, on valide 15 jours minimum. Pour moi, le temps idéal, c'est un mois. Allez, qui dit mieux ? On va demander du coup au Premier ministre si c'est possible. Pour moi, c'est dès que tu reviens au boulot, si t'as perdu tes mots de passe, c'est que t'as bien déconnecté. Et c'est super ça, le bon indice, c'est que t'as perdu tes mots de passe. Ça t'est arrivé de revenir de voyage ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais parti la première fois, j'étais parti un mois. Je suis revenu et je savais plus aucun mot de passe sur mes PC. Donc, et c'est là que tu sais que tu as passé de bonnes vacances. Voilà, tout à fait. Ok. Très bon repère. Et dites-moi, quelle destination choisiriez-vous pour un voyage culinaire où le but est de profiter de plats uniques ? Quel plat ? Quel pays ? Alors moi, j'aime bien la cuisine italienne. Donc, c'est pas très unique. C'est pas original, mais ouais. Ça marche. Oui, ça marche. Mais ça marche. Pizza. J'allais dire ça aussi. Spaghetti, pasta. Oh, mais oui, je l'ai noté, évidemment. Je signe des deux mains. Les glaces. Comment on dit les gelato. Gelato. Ouais, c'est ça. Avec Bridget, nous sommes allés à Milano manger une gelato. Des pizzas aussi. Et, oh, la pizza, mais quelle tuerie. Non, mais évidemment. Et boire du Campari. Oh, le Campari, quel délice. Nico, toi, t'irais où pour goûter une spécialité? L'Autriche, ils font des bons trucs. J'allais te dire États-Unis pour la blague. Ah, il doit y avoir des trucs sympas. L'Angleterre, encore moins. Moi, je resterais en France, hein, si c'était pour la bouffe. Mmh. Je resterais en France, parce que dans les autres pays, bon... Alors, pas en Inde non plus. La street food, encore moins. Donc, non, moi, je resterai en France. Monsieur a un palais, quand même. Il a besoin de le satisfaire avec des bons produits, des bonnes recettes. Et la France, par exemple, un plat que tu apprécies particulièrement? Ah, le plat que j'apprécie très, très bien et qui est vraiment tendre, c'est la souris d'agneau. Ah ouais. Non, mais c'est quelqu'un de pointu, Nico, vous l'avez compris. Hein. Je crois que j'en ai jamais mangé de souris d'agneau. Ah, ça, c'est vachement tendre. La viande s'effiloche au moindre coup de couteau. J'en salive. Mais c'est vrai que la France, évidemment, c'est une destination culinaire par excellence. Que ça soit l'Ouest, le Sud-Ouest, la choucroute en Alsace, le cassoulet d'Agen. Oui, c'est oui, la France, évidemment. Brie, toi, tu validais, c'est ça le... Ben moi, j'avais dit l'Italie, ça me tentait bien. L'Espagne, c'était très bon aussi, les tapas, le calamar, tout ça. Eh bien, moi, j'avais choisi une petite spécialité, langouste rôtie aux épices, ça vous dit? C'est dans l'île Maurice, ça. Ouais. Bah, ça me tente, oui. Bah, moi, ça me tente bien. Petit courbouillon de légumes, je vous mets un petit peu de poivre, de laurier, de vin blanc, je mélange les épices de masala. Ouais, très très bon. Je prends une sauce soja, je fais un petit mélange de légumes, carottes, asperges, pois gourmands, je ne sais pas si vous connaissez. Si, ça me dit quelque chose. Fleur de sel, je mets à tremper mes langoustes et je fais rôtir au four. Et... C'est un délice d'île Maurice. Voilà, je voulais vous donner envie avec ça. Eh ben, on attend que tu nous le prépares maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. La langouste, mais tu peux rajouter aussi les bonnes gambas. T'as jamais goûté des bonnes gambas, même dans un risotto? On a essayé d'en faire sur le barbecue sans vraiment réussir pour l'instant. Souvent, il y a un plat dans la resto, ça s'appelle les gambas à la crème de whisky. Oh, ça donne envie aussi. Et souvent, c'est dans un risotto. Et moi, j'ai voyagé là de façon culinaire, on a bien mangé, pourtant j'ai encore faim. Tu sais, le souris d'agneau là, ça me donne envie. D'agneau, ouais, gambas à la crème de whisky, il y en a plein les plats. Hein. Alors, autre question, quelle destination choisiriez-vous pour faire la fête, vous éclater, vous amuser? Parce que vous voulez effectivement profiter. Où iriez-vous pour vous amuser? Olive, je crois que tu as une idée. Oh, je dirais les îles espagnoles. Tout ce qui est Ibiza. Complet, complet. Mallorca, enfin voilà quoi. Là, on s'amuse. Là, on fait la fête. Ah bah oui, il y a ça. Il y a du DJ, il y a des belles gosses, des beaux gosses. On s'amuse. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu veux que je te fasse écouter un petit son? Vas-y. Né à Ibiza. Ibiza, évidemment, destination pour faire la fête. Brie, t'irais où ? En République dominicaine pour danser la bachata. Ouais, et t'adores danser ces danses un peu typiques. C'est quoi la particularité de la bachata ? C'est une danse assez sportive, mais qui peut être aussi assez, assez sexy. Donc oui, c'est ça, c'est une ambiance quand on danse. La danse, c'est sensuelle, de toute façon. Voilà. Et toi, Nico, où irais-tu pour faire la fête ? Eh bien, moi, j'aurais dit Ibiza, comme Olive. Ouais, tu serais allé avec... Ouais, sur les îles espagnoles et tout ça. On m'a dit que des bons retours. Donc, mais par contre, il faut y aller en célibataire, là-bas. Faut pas y aller en couple. Faut pas y aller avec Olive, du coup. C'est une destination très dangereuse quand on est en couple. Ah ouais, tu... Ah bah oui. C'est un peu l'île de la tentation, quoi. Bah super, ça donne envie en tout cas de faire la fête, de s'amuser. Ibiza. Et d'aller à Ibiza. Ouais, carrément. Le soleil, la musique. Et la mer, les oiseaux et le ciel. Si vous pouviez déguster un cocktail de rêve dans un endroit unique, ce serait quel cocktail et quel pays ? Olive, je crois que tu as une idée. Oui. Alors moi, je pense que ça va sourire faire sourire une personne à la table, moi, ça serait un spritz sur la plage de Santa Giulia, en Corse. Mais je connais Santa Giulia, en plus. Ah, ça doit être magnifique. C'est magnifique, je confirme. Mais ouais, elle est trop belle, cette plage. J'en ai entendu parler, je crois qu'on a reçu une carte postale de Santa Giulia. C'est une plage de sable blanc, si je c'est dis pas ça. De bêtises. C'est un peu une plage un peu privée où il y a des bars, restaurants, transat, enfin vraiment, on a les pieds dans le sable, c'est génial. Pour un spritz, c'est l'idéal. Ah ouais, bien frais, parfait. C'est pas le spritz urbain, c'est le spritz playa. J'aime c'est bien, ça, exactement. Bien. Et toi, Nico, tu bois quoi et où ? Alors moi, pour changer un peu de Santa Giulia à la Corse, un endroit que j'ai jamais fait, moi j'aurais été directement aux Maldives. Plage, sable blanc, sable fin, la mer à perte de vue, l'eau transparente. Et qu'est-ce que j'aurais bu en même temps ? Et dans ton verre ? Je pense que j'aurais bu un cocktail à base de noix de coco, dans ce genre-là. Juste noix de coco, un soft, et après on va se baigner. Moi j'aurais été à la sauvage, quoi. Noix de coco... Noix de coco comme ça, à la paille. Tu fais un trou dedans. Voilà. On n'avait pas précisé alcool ou pas alcool, d'ailleurs, effectivement. Une noix de coco, une paille, tu sirotes sur la plage, Maldives, tout seul, voilà. Tout seul ? Non. On serait tout seul. Ce chroniqueur est instinctif, il est sauvage. J'adore. Et toi, Brie, un cocktail, un endroit pour le siroter tranquillement, là. On n'est plus en mode fête. On est en mode chill. Un cocktail de jus de fruits à Bali, tiens. Oh, pas mal. Déco balinaise, très, très détente, un peu spa, quoi. Des bambous en toile de fond, la mer bleue. Très zen. Pas mal du tout, vous me donnez envie. Eh bien, moi, je dégusterai un cocktail à Cuba. J'ai trouvé d'ailleurs sur Google Maps, parce que oui, c'est plus facile de voyager comme ça, j'ai trouvé une petite plage près de la Havane pour siroter un Presidente, El Presidente. Écoutez, c'est un truc, là c'est pas du tout soft, rhum, vermouth sec, triple sec et grenadine quand même, pour un petit peu alléger le cocktail. Et là je suis dans une ambiance cubano. Je suis sûr que vous venez avec moi, là. On te suit. J'y suis déjà. Bridget, t'as fait la moue. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis mieux à Bali. Ouais, c'est pas mal. Non, mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller chacun dans nos endroits déguster tour à tour la noix de coco brute de pomme de Nico. Voilà, et puis on se rejoint au bout de 3 semaines. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça. Dites-moi, on continue ce tour de table, parce qu'on est qu'autour de table des voyages. Quelle serait votre destination romantique préférée ? Et j'ai écrit entre parenthèses « cliché accepté », bien sûr. Pour une destination romantique à deux, cette fois. Un petit week-end à Prague. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un week-end à Prague. On est connecté, Brie. Olive, toi, tu choisis quel endroit pour une romance en voyage ? Eh ben moi, je trouve que n'importe quelle ville peut être romantique, en fait. Quand on est avec la bonne personne, eh ben on peut trouver du romantisme partout. Est-ce que c'est pas une déclaration à l'amour, tout simplement ? C'est beau. Oui, sans doute, oui. Ouais, du coup, et une en particulier, du coup, si tu veux que la toile soit parfaite. Bon, après, il y a les grands clichés, hein, les gondoles à Venise. Les gondoles à Venise. Eh bien, pourquoi pas une petite gondole à Venise. Nico, toi, t'en penses quoi des gondoles à Venise ? Gondole à Venise, très bonne idée, tant que c'est hors de l'eau. C'est souvent dans l'eau, une gondole, excuse-moi. Je parlais en général de la ville de Venise. Tu es allé, peut-être ? Pas du tout. Non, mais parce que souvent, ceux qui sont allés disent que c'est pas propre, qu'il y a des odeurs. C'est loin d'être romantique, apparemment. Tant que c'est hors de l'eau, tu vas à Venise. Mais sinon, vu les conditions climatiques, moi, j'irais plus vers Pays-Bas, Danemark. Ouais, c'est sympa. Dans ce genre-là. C'est les pays un peu où on parle pas trop... J'adore. Bah oui, évidemment. En fait, le romantisme, c'est se regarder dans les yeux, pas trop parler. Je comprends. Pas au Groenland, il y aurait personne. La parole n'est pas obligatoire, les gestes comptent. Non, mais pour aller dans ton sens, c'est des pays, il fait pas trop chaud, pas trop froid. On a envie de faire un truc à deux, une balade, tu vois, t'es pas... Et qu'on n'entend pas souvent parler. On n'entend jamais souvent parler des Pays-Bas, du Danemark... C'est ce que j'aime bien chez Nico, il va chercher des destinations qu'on ne s'attend pas. Eh bien voilà, donc on a nos romances un petit peu partout dans le monde, un petit peu à Venise et dans toutes les villes, si j'ai bien compris, pour Olive. Prague et sa beauté magique pour Bridget, et je comprends. Et Bali, ça peut marcher aussi en destination romantique également. Bah, si tu m'invites. Et non. Bien évidemment, Brie, ça me ferait tellement plaisir. Hey, très sympa ce petit tour de table. Moi déjà j'ai voyagé. Là j'ai senti de l'expertise. J'ai senti des gens qui voulaient nous emmener dans des endroits. Merci. On va enchaîner avec nos cartes postales. Vous savez, je vous en avais parlé au sommaire. Je vous ai écrit des cartes postales à chacun dans des endroits. Il va falloir deviner d'où j'ai écrit. D'accord. Tout le monde peut jouer, bien évidemment. Et ma première carte postale s'adresse à Bridget. Tu veux l'écouter ou tu veux la lire ? Bah, je vais la lire. C'est vrai ? Oh, bah, avec plaisir. J'espère que tu t'es appliqué. Il y a les deux, en fait. Vous avez deux versions. Soit la vraie carte postale, et donc Bridget va la lire. Soit vous pouvez l'écouter. Plus simple, carte postale audio. Bridget, j'ai hâte d'entendre ta lecture de ce... J'espère que ça... Alors là, je suis en train de voir la carte postale. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui crie autant sur une carte postale. Personnellement... C'est ce que je me suis dit. Une carte postale, c'est tout petit. Là, oui, vous allez. Oui. Là, il y a du texte, mais c'est pour deviner où ça se passe. Ouais. Je suis obligé de contextualiser. C'est une grosse carte postale. Alors, très belle photo. Ah, il n'y a pas de photo. Bravo. Coucou Brie, je suis bien arrivée à destination après 29 heures de voyage. Le décalage horaire était vraiment énorme. Heureusement que mon petit déjeuner m'a reboosté. Salade de fruits composée de kiwis, pommes, cerises et un bon café bien fort qui s'appelle le Flat White. Le lendemain, je suis allée à la plage de Hotwater sur l'île Nord. C'était très beau. Je me suis baignée en essayant d'éviter les méduses et les serpents. Sur la plage, il y avait des gars qui jouaient au rugby. Oh, trop bien. Je me suis incrustée dans la partie et je peux te dire que j'ai marqué quelques essais d'anthologie. Et pour vraiment m'intégrer, les gars m'ont fait un tatouage local sur le biceps. Il est très beau, tu verras. En fin de semaine, j'ai fait de la randonnée dans un paysage à couper le souffle, là où a été tourné Le Seigneur des Anneaux. Sale petit hobbit, ils nous l'ont volé! Je rentrerai dans 3-4 jours, par contre, il me manque 2000 euros pour le billet. Si tu peux me faire un petit envoi express, je te remercie. Tu me tiens au courant pour le petit billet de retour. Bisous, Jack. Alors, je pense que je sais où tu es. On va faire un tour de table. J'aurais préféré que tu m'invites. D'où pensez-vous que j'ai envoyé cette carte postale ? Évidemment, je suis parti seul. Et en plus, tu me réclames des sous. Oui, bon, c'est mon côté goujat. Un petit tour de table. Oui, on aime bien les tours de table dans cet épisode. Nico, une idée ? Moi, je pense que c'est Hawaï. Hawaï, ok. Olive, tu penses que c'est écrit où, depuis quel endroit cette carte postale ? Je sais pas du tout. Je vois. Loin, très loin. 29 oui. heures en ouais. avion. Moi, je dirais la Nouvelle-Zélande. Il y a une bonne réponse parmi vos propositions. Et c'est Olive. Non, bravo, Aubry. C'est effectivement la Nouvelle-Zélande. Alors, je peux vous dire pourquoi et quels indices j'ai glissé dans cette carte postale. Brie, qu'est-ce qui t'a fait découvrir, justement ? Par quel indice t'as découvert la Nouvelle-Zélande ? Alors, les 29 heures de voyage, déjà, bon, c'est que c'était loin. Mmh. Les mots en anglais. Mmh. Le fait que... Alors, j'ai pensé au Canada, pourquoi pas, parce qu'avec le café bien fort, tout ça... après, quand j'ai vu Méduse, serpent, je me suis dit, il fait chaud, déjà il y a la mer. Et le rugby, là tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et les tatouages, j'ai vu les All Blacks, voilà, ils me sont apparus comme par magie. Et je t'ai imaginé avec les All Blacks sur la plage, ridicule à jouer au rugby. Tu veux entendre ? J'ai fait une petite partie et j'étais pas ridicule, hein, j'ai marqué quelques essais quand même. Ouais, pas mal, hein, elle est forte. Je veux voir le tatouage, hein, par contre. Surprenant. Le flat white, je vous donne quelques révélations. Le flat white, c'est le café le plus populaire de Nouvelle-Zélande. 40 ml d'un double shot d'espresso et 110 ml de lait. Bridget, ça te plairait, le flat white ? J'adorerais, je pense. Capitale de la Nouvelle-Zélande. Je l'ai. Melbourne, Sydney. Ah non, ça c'est l'Australie. Ah plus. Ouais, putain, je suis sûr. Mais c'est pas mal, t'es dans la zone. Wellington, figurez-vous, pas facile. Et tiens, j'ai retenu un truc en me documentant. Il y a une journée de la bière, ça s'appelle le Crête Dead. C'est une fête lancée par une radio qui se déroule le premier samedi de décembre et dont l'objectif est de boire une caisse de 12 bières entre midi et minuit. Je trouvais ça rigolo, petite tradition de Nouvelle-Zélande. Et j'ai parlé des kiwis, c'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le fruit type, c'est le kiwi. On en apprend des choses. Hein. Par contre, je ne savais pas que le Seigneur des Anneaux avait été tourné en Nouvelle-Zélande. Ouais, Peter Jackson donc qui réalise. Ouais, et c'est qui... dur. Ouais, c'est vieux. Je l'ai jamais vu en même temps. Mais les paysages sont à couper le souffle dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, moi, je l'ai vu au Cinoche. Et ben, c'est vraiment beau. Vous avez des grandes falaises, des forêts. C'est très, très, très beau, la Nouvelle-Zélande. En tout cas, au cinéma, ça rendait bien. Le Flamingos. Une expérience sonore. On va partir dans les souvenirs de vacances. Vous avez des souvenirs de vacances marquantes ? Par exemple, une destination, je ne m'y attendais pas. Vous vous êtes retrouvé là et c'était improbable par rapport à l'affiche qu'on vous avait proposée. Tu partais, tu te faisais une idée de ton voyage, puis quand tu arrives, c'est pas du tout ce que tu croyais. Quelqu'un a une idée ? Ah, j'ai été déçu par Nice, moi. Ah oui ? Bon, c'est pas un grand voyage, mais j'avais imaginé Nice beaucoup mieux que ce que j'ai... Nice, c'est une ligne droite le long de la mer, et puis voilà. C'est ça, j'imaginais ça, je sais pas, j'imaginais autre chose. Des palmiers partout, y en a, mais... J'ai été déçu de Nice. Mais c'est très urbain, en fait. Ouais. C'est ça qui... Beaucoup de voitures, ouais. C'est une grande ville, hein. C'est très grand, en fait. J'ai préféré Cannes. Cannes, magnifique, la croisette, ça vaut la promenade des Anglais, largement. Allez, on se fait une guerre. Il y a un centre CCS à Cannes. Il y a quoi ? Il y a un centre CCAS à Cannes. Un centre CCAS, c'est quoi ? Tout à fait, pour tous ceux qui travaillent dans les IEG. Ah non, mais là, c'est du chinois, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? pour tout ce travail chez EDF, et les 10, et tout ça. Ils ont des offres spécifiques. Ah, pour aller en vacances là-bas ? Tout à fait. Ah, sympa ! À Gare-les-Dents aussi, si tu veux. C'est vrai, il y a des endroits comme ça. Non, mais à tarif très avantageux. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux aller à Cannes facilement, toi. Je peux aller à Cannes une semaine pour 300 euros. Oh, ça va, tu nous emmènes. Pendant la croisette, ça doit être sympa pendant le festival, vous savez, l'histoire de se la péter. Ça, par contre, je ne sais pas. Pendant le festival, bon. Au pire, je vais sur le tapis rouge. En tout cas, on salue quand même les Niçois parce que vous êtes sympas. Et puis, à côté, c'est très joli. Ok, destination improbable, Nice. Et toi, Olive, destination improbable, est-ce que tu en as eu une ? Alors oui, moi j'ai passé un Noël en Tunisie, donc à Djerba. Donc il faisait super beau, super chaud. Et c'est très surprenant de fêter Noël sous le soleil, quoi. Et ils fêtent tous Noël ? Là-bas, non, ils fêtent pas Noël parce que c'est quand même une... C'est assez religieux, ouais, bien donc sûr. Là-bas, non. Mais vu qu'on était en hôtel, et ben oui, ils avaient mis un petit sapin de Noël. Ah, sympa. Enfin, voilà, quoi. Donc Noël, les pieds dans l'eau, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement, en maillot de bain. Ouais, c'est un beau cadeau déjà, le soleil et la mer pour Noël. Improbable, j'adore. Bridget, nous avions fait une expédition à Bilbao, c'est en Espagne. Moi, je pensais que c'était vraiment une petite station balnéaire. Et là, pour le coup, c'était une grosse ville, ouais. Surprise totale. Tu me l'avais vendue comme une petite station, un petit village. Et on ne savait pas où était l'hôtel, on avait plus nos téléphones étaient à plat de batterie. Et puis, il me dit, oh, t'inquiète, c'est un petit village, on va trouver vite l'hôtel. En fait, Bilbao, un petit village, pas vraiment. C'est comme si tu allais à Lyon et tu dis, je sais pas vraiment où c'est, mon point de chute. Et ouais, c'est une grande, grande ville. Et on allait à la plage en métro quand même. Ça, c'est super par contre. Donc, destination improbable, Bilbao. On s'éclate en vacances, fiesta gogo. On s'éclate en vacances, fiesta gogo. Éclat total, avez-vous vécu des vacances où vous avez fait la fête tout le temps ? Nuit et jour, où ça a été en boîte, ça a été à la fête du camping. Nico, anecdote ? Alors oui, tout à fait. J'adore. Et moi, je vais me diriger vers les vacances en Espagne, et plus précisément à Benidorm. Benidorm ? Benidorm avec mon frangin, des potes, et on est allé là-bas. Alors qu'on connaissait strictement rien de Benidorm avant d'y aller. On savait que c'était une station balnéaire un peu artificielle, mais c'était très bien. Et c'est proche de quelle grande ville du coup ? C'est juste au nord de Valence. D'accord, Valence. Alors je vois pas très bien, c'est la Méditerranée du coup ? Ah oui, c'est la Méditerranée, oui, tout à fait. Et du coup, tu dis un peu moderne et il y a des infrastructures sympas ? Il y a des infrastructures sympas. Alors, il y a pas mal de tours, d'hôtels et tout, mais il y a pas mal de boîtes, il y a pas mal d'événements, d'activités nautiques. Et après, il y a pas mal de boîtes, il y a pas mal de bars, il y a pas mal de tout pour faire la fête. Benidorm, votre station nautique et nocturne. Ah, comment ça s'appelle ? À Benidorm. Mais en fait, Benidorm, à la base, il n'y avait rien, quoi. Benidorm, tu ne dormiras pas. Tu feras la fête. J'adore. Et du coup, ça a été vraiment des vacances où vous êtes sortis tous les soirs ? Ah ouais, tous les soirs. Mais vraiment tous les soirs, quoi. Mais ça, c'est à l'époque quand on avait l'âge pour le faire. Ouais. Et t'avais quel âge, du coup, à Benidorm ? Oh, Benidorm... Quel âge j'avais à Benidorm ? Dans la vingtaine, quoi. Enfin, 22, 23, quoi. Il faut savoir dire le mot bière, cerveza. Nous, on ne disait pas cerveza, nous, on disait plus estrella, mais... Estrella ? Ouais. C'est quoi ? Las Estrellas. Estrella, c'est une bière en Espagne. Ah, c'est une bière spéciale. Tout D'accord. à fait. Qui est très bonne. Enfin, qui est... Oui, ouais, elle passe bien, quoi. Elle est pas chère. Et puis, elle fait l'affaire. Elle passait bien, et puis, ça faisait l'affaire. Et dans les boîtes, c'était... Tous les soirs, donc c'était bar, boîte. Bar, boîte. Mais en fait, il y a des moments de temps, on se serait cru un peu. Alors, j'allais dire Thaïlande, mais alors que j'ai jamais été en Thaïlande, mais tu pouvais aller dans une rue où tu avais des danseuses en mode pole dance. Ah oui, au d'accord. Bord de la rue, enfin vraiment des bars un peu ouverts quoi. Donc ouais, toute une ambiance un peu un peu sympathique qui t'attire l'œil comme tout ça, je comprends. Vraiment comprends. Très festif quoi. Ah, sympa. Et vous êtes resté combien de temps ? Une semaine. Une semaine ? Ah bah ouais. Sans dormir, c'est super. On dormait quand même un peu. Mais on avait un accès direct à la mer de notre logement, donc ça allait. Ouais, c'était le matin, ça, vers 17h pour prendre le petit-déj. Moi, j'ai fait un séjour à Strasbourg, à la Petite France, figurez-vous, où j'ai fait la fête dans les péniches. C'est très joli, cet endroit. Il y a un canal, je suppose, ou peut-être un fleuve, d'ailleurs, je ne sais pas. C'était vraiment très festif. Hein. Et du coup, sur la péniche, dans la péniche, il y a des bars, il y a des espèces de dance floor et du coup j'avais rencontré plusieurs personnes dont un dragueur que je m'étais amusé à suivre toute la soirée. Il avait des techniques qui me faisaient rire, il se faisait passer pour un parfumeur et c'était son accroche pour les filles et ça marchait vraiment bien. Il disait « Mademoiselle, est-ce que vous pourriez sentir ce parfum parce que je suis créateur ?» Et Olive, tu le crois si tu veux, toutes avaient leur avis sur le parfum qu'elles trouvaient super. Et donc, j'étais l'assistant du parfumeur. Éclat total. On s'est vraiment amusé. Ah ouais. Et du coup, ce parfum, il était en vente ou... Je pense que c'était un parfum qui était en vente, qu'il avait juste acheté et qui sentait bon, hein, cela dit. Mais je trouve que la technique était sympa. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et oui... Beaucoup de rencontres ce soir-là, et ce soir-là, quand je dis ce soir-là, on a commencé la fête, bon, il était 23h, et on l'a fini, il était 19h, le lendemain. Donc très très grosse soirée. Vous avez fait des soirées comme ça en vacances, qui est de nuit blanche, quoi, hein, c'est ça, Olive? Oui, j'en ai fait quelques-unes. Hein. T'as fait des nuits blanches, vraiment? Parce que j'ai fait, ouais, vas-y, dis oui pour le podcast, mais ouais. Tu peux dire non, sinon. Bah non, alors. Ouais, t'as pas fait, c'est ça. Nico? Oui, j'en ai fait. Par contre, le problème de la nuit blanche, c'est que tu fais la nuit blanche, ouais. T'es bien festif. Par contre, le lendemain matin, s'il est 8, 9, 10 heures, si tu te poses et si tu dors ne serait-ce que 5 minutes, c'est cuit. La nuit blanche, il ne faut pas se stopper. Faut pas s'arrêter. Sinon la machine s'arrête. Et... Si tu fais toute la nuit, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, tu fais la fête toute la nuit, le matin tu vois le soleil qui se lève, voilà. Mais par contre, La moindre faiblesse. Dans la fête. Et c'est fini. Très bon conseil pour vos vacances festives et éclat total. Ne dormez jamais. Amusez-vous jusqu'au bout de la nuit. Et toi, Brie, t'as connu des vacances où t'as fait la fête non-stop ? Non, j'ai pas le souvenir. J'aime bien dormir, moi. Nos chroniqueuses sont raisonnables et c'est bien, ça vous caractérise. Mais on va voir si vous êtes vraiment raisonnable. Avez-vous eu pendant des vacances un petit crush? On en a parlé tout à l'heure, un petit coup de cœur pour quelqu'un? J'ai pas le souvenir. Même, je sais pas, le maître nageur, un barman. Non. Ah si, peut-être, moi. Si, Olive, ouais, un coup de cœur. Ça veut pas dire que c'est réciproque. Ah oui, bah oui, bah heureusement, sinon... Vas-y, raconte, alors ça m'intéresse. Eh ben j'étais partie en... Alors j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. J'étais partie en camping avec ma cousine, en Vendée. Et on avait flashé sur un garçon. C'est un coup de cœur. Voilà. Et on est dans le thème. Voilà. Et notre jeu, c'était de donner plein de surnoms à tous les garçons qu'on trouvait mignons. Ah, sympa. Donc, du coup, pour vous donner un petit peu les surnoms qu'on avait donnés, il y avait Beaux Yeux. Donc Bozu, il avait des yeux bleus. J'en étais sûr. Alors il y avait le délicieux. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'était pas mon crush, c'était celui de ma cousine. Oh, le délicieux. Après il y avait le maître nageur, évidemment, avec qui on avait demandé de prendre une photo. Bon, il y a plein d'autres, mais je me souviens plus des surnoms. Vous avez dû vous amuser. Ah oui. Vous avez fait un tableau de chasse de toutes les conquêtes potentielles. C'est ça. Et avec qui vous êtes allé le plus loin, parler, voire plus? Eh ben, on avait sympathisé avec, Beausieux. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le délicieux. Non, bah le délicieux, après, on l'avait retrouvé sur Facebook, hein, ouais. Quand même. Mais, on avait discuté un petit peu, mais pas plus que ça, en fait. Non. Voilà, et par contre, si Beausieux, il était venu en Bretagne, hein. il avait vu la Bretagne et tout. Hein. Beausieux s'était déplacé. Hein. Est venu. Ah ouais, c'était peut-être un peu réciproque du coup. Non, du tout. Ouais. Et toi, Nico, est-ce que t'as eu un petit crush pour quelqu'un pendant des vacances? Alors, on en avait eu parce que moi j'étais en vacances, en camping avec mes frangins. Ouais. Et on avait eu des crushs sur des Hollandaises dans un camping à Damgant. Camping Le Bédum. Je ne sais pas s'il est encore ouvert encore, mais... On leur fait des coucous. Camping voilà. Le Bédum. Tout à fait. Et on avait un crush sur des Hollandaises, oui, tout à fait. Ah, elles étaient sympathiques. Elles s'appelaient Winnie, Anne... Et le troisième, je crois que c'était Kenny ou Kelly, je sais plus. Kenny, c'est pas pareil que Kelly. Mais ouais, sympa. Du coup, elles étaient trois. Et trois sœurs. Et je me rappelle avec mon frère jumeau, on avait fait genre qu'on était des joueurs du Stade Rennais, tout ça. Enfin bref, au bar du camping, ouais. Et elles avaient cru ou pas? Ça n'a pas marché. Non, parce qu'elles ont vu jouer et puis elles ont pas dit... Pas du tout. C'est pas possible. Mais alors... Pour l'anecdote, on les a toujours en ami Facebook. Ah ouais? Tout à fait. Et ça date de l'époque de MSN. Alors MSN, c'est le fameux MSN, ce moyen de communication des jeunes de l'époque. Et oui. Qui avait également, normalement, copains d'avant. Ah, c'est ça, moi j'avais MSN et copains d'avant en même temps. Et du coup, vous êtes encore pas en contact, mais vous avez ce petit lien, effectivement. Vous êtes ajouté en ami. C'est juste dans les amis, quoi. C'était il y a combien de temps, cette histoire? C'est vieux. Ça date au moins de 20 ans. Ouais, c'est sympa. Des 20, petits souvenirs, comme ça. 20-21, je crois. C'est super vieux. Quoi. Moins que des vacances, on habite une station balnéaire, c'est vrai. Enfin, qu'on connaît, qu'on partage. Et c'est vrai que c'était les vacances l'été. Et du coup, on avait des petits lieux pour se retrouver. Il y avait la plage. Il y avait même une espèce de rotonde où il y avait parfois des animatrices d'accueil très sympathiques. Bridget, tu as fait partie d'ailleurs de ces animatrices d'accueil. Et c'est la première fois que je t'ai vu là-bas, figure-toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai la petite anecdote d'ailleurs. C'est qu'effectivement, je travaillais là-bas pour l'été. Et que... En général, Jack était censé venir nous aider pour les ordinateurs. On avait des petits boulots d'été comme ça. Voilà, et puis les touristes pouvaient venir utiliser l'ordinateur et puis ils avaient un accès Internet. Ils avaient un accès Internet. Et souvent, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, on devait appeler pour venir réparer l'ordinateur. Jack le réparateur. Voilà, pour nous aider un petit peu. Et les filles avec qui j'étais ont bien compris que quand elles appelaient, ils ne venaient pas, ou alors ils mettaient beaucoup de temps à venir, et que quand c'est moi qui appelais, il arrivait très vite. Ouais, ça fonctionnait. Hein. Donc elles avaient compris ça, pas moi, et elles me demandaient à chaque fois à moi d'appeler. Donc je faisais, mais bon, sans trop comprendre pourquoi. Allez, je peux dire qu'effectivement, quand c'était toi, je venais plus facilement. Maintenant, je peux l'avouer. Eh ben, on a fait ce petit tour des vacances de l'amour, c'est plutôt sympa. Il y a eu des séries d'ailleurs sur les vacances de l'amour, il n'y a pas eu... AB Productions n'a pas fait ça, les vacances de l'amour? Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Quand arrive un beau jour, les vacances de l'amour, Dites-moi, quelle a été votre plus grosse galère maintenant, à présent, de voyage ? Vous êtes retrouvé dans de beaux draps, alors que vous pensiez profiter de vacances sympathiques avec le soleil, la plage. Et non, ça ne s'est pas passé comme vous auriez voulu. Bon, les galères d'avion, le retard d'avion, les choses comme ça qui sont un peu embêtants. T'as eu des retards d'avion, des galères d'avion ? Oui, pour tempête de sable. Donc, c'est pas banal. Ouais. Non. Du coup, on a dû attendre plusieurs heures à l'aéroport pour qu'on puisse après décoller. Et puis, une autre fois, on est arrivé à l'hôtel. Mais finalement, ils avaient loué plus de chambres qu'il n'y en avait. Donc, on a dû changer l'hôtel. Vous n'êtes pas retrouvé dehors dans les petites cabines de plage, quoi ? C'était presque ça. Il y en a certains, ils ont dû dormir dans la discothèque. Donc, oui. C'était Nico, ça. c'est une galère, ça. Quand... Ah oui, c'est une galère. Ah, oui. Du fou. Et toi, Nico, t'as eu des galères, des choses qui se sont pas bien passées pendant des voyages ? J'ai envie de dire l'avion aussi. Alors, l'avion, oui. On s'est crashé. Plusieurs raisons pour l'avion. Les problèmes de bagages. Où t'arrives, tu pars de Paris, t'arrives à une destination et au final on te dit il n'y a pas la valise. Vraiment, ça t'est arrivé ? C'est l'enfer, ça ! Ça m'est arrivé à l'aller et au retour. Mais on l'a retrouvé ou t'as vraiment pas eu de vêtements ? Non, alors on l'a retrouvé et à chaque fois je l'ai reçu au lendemain. Ah oui. À l'adresse que j'avais donnée. D'accord, mais ça veut dire pendant une nuit, tu n'avais pas tes affaires. Par contre, j'ai dû passer la soirée avec les habits que j'avais du voyage. Dans l'incertitude. Tout à fait. Ah, je vois, c'est vraiment galère, ça. Et je l'ai eu à l'aller et au retour. C'était quelle destination ? C'était les États-Unis. Oh, on en reparlera. Brie, des petites galères, on en a tous eu pendant les vacances. Des galères de vélo qui cassent, par exemple. Oui, c'est vrai. On a fait un voyage sportif sur le canal de Nantes à Brest. Et on avait une carriole louée à l'office du tourisme. Figurez-vous que cette carriole, à chaque étape, il y avait un morceau qui partait. C'était une catastrophe. Il fallait non pas gérer la course, mais gérer les réparations. Ça, c'est des galères. Et En réfléchissant, moi, j'ai eu des galères, mais qui étaient liées vraiment au système bancaire. Quand on est étudiant ou jeune travailleur, on a des cartes Electron. Ça vous parle ou pas ? Une carte Electron ? Pas du tout. Vous n'avez pas connu ça ? Non, c'est pas du tout. Ça me dit quelque chose. C'était galère pour faire de l'essence, notamment, je crois. C'est ça. Parce que cette carte-là est majeure. Par exemple, si vous faites 10 euros d'essence, elle dit « bah non, c'est sans doute 150 », parce qu'elle n'est pas sûre, elle peut pas vérifier en temps réel, donc elle marge au plus fort. Donc très rapidement, elle bloque. Si vous avez fait deux fois de l'essence, déjà, il y a 300 euros qui partent. Et moi, je suis parti en vacances avec, sur une île, et j'ai voulu louer une voiture. Et quand vous louez une voiture... d'abord, vous payez à distance par Internet, vous payez le prix de la location. Et quand vous arrivez sur place, ils prennent ce qu'on appelle une caution via la carte bancaire. Et avec l'Electron, j'avais pas le solde du tout. Donc, plus de voiture, perdu sur une île. C'est une belle galère quand même. Oui. Oh non. La sauce. Pardon ? La sauce. La sauce ? C'est être dans la sauce. Être dans la sauce, c'est ça ? Oui. Je croyais que c'était un mot précis, la sauce. Quand t'es en galère, c'est être dans la sauce. J'étais dans la sauce, dans la panade. Tu nages dans la sauce. Là. Dans la mayonnaise. Ah non. Puis ça m'est arrivé souvent. Tout au long de ce voyage, d'ailleurs, je pouvais plus rien payer, évidemment. Je suis sûr que t'as trouvé quelqu'un pour payer, non ? J'ai fait des chèques. Je peux vous dire qu'en Italie, les chèques, c'est quand même mal perçu. Mais bon, visiblement, j'ai réussi à donner confiance. Mais je m'en suis sorti comme ça. Après ces galères, moi, je vous propose d'aller dans le dark. On va dans le dark, dans le tourisme dark. Voyage de l'extrême. Le danger comme destination. C'est une forme de tourisme un peu spécial, on va dans des destinations dangereuses, des destinations associées à la mort. Et justement, pour traiter ce thème, qui de mieux que notre experte Olive, je crois que tu as traité ce sujet avec un top 3. Oui. Alors, de base, j'étais partie sur les destinations un petit peu... les pays qui sont... où il y a un taux de criminalité important, où il y a les maladies qui sont vénériennes, des choses comme ça. C'est vrai qu'on ne pense pas partir là tout de suite, voilà, de prime abord. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, je vais faire un petit peu plus, quelque chose un peu plus de folie. Donc, j'ai fait un petit top 3 des destinations où eh ben, on réfléchit avant d'y aller. C'est-à-dire, faire du camping en Amazonie. Est-ce qu'on ferait du camping en Amazonie autour des serpents, des guépards ? C'est vrai que tu installes ta tente. C'est ça. Dans cette immense forêt avec tous ces dangers. Voilà. Est-ce que je ferais... Non, je pense que je... vraiment, je ne serais pas à l'aise. Il y a même des fauves, des choses comme ça. Hein. Bah ouais, ouais, et puis la chaleur. Les... Ouais. Et il y en a qui font ça pour se donner du frisson. Bah non, en fait, j'ai fait un top 3 plutôt des destinations qui seraient un peu... Improbables. Improbables, oui. Parce que alors, trop dangereuses. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y en a qui ferait vraiment ça? Je sais pas. L'aventurier Mike Horn, il pourrait voilà, faire. Voilà, c'est ça. Alors, mon deuxième... Numéro 2, des destinations dangereuses. Ça serait une croisière dans le triangle des Bermudes. Ah, mais oui. Mais c'est une vraie destination du tourisme d'arc, tu savais ? Ah ouais, ah non, je savais pas du tout. Mais c'est associé à des disparitions de bateaux, des disparitions d'avions. Ouais. Qui irait faire une croisière là-bas ? Ah bah, ceux qui sont un petit peu fous, hein. Ouais, ouais, qui veulent vivre un danger. Vous y croyez, vous ? Il paraît qu'il y a une espèce de magnétisme là-bas qui attire les bateaux, qui provoque des pannes sur les appareils électroniques. Bah, tiens, ça s'est vérifié, donc. Oui, c'est vérifié. On a un spécialiste de l'électricité, d'ailleurs, Nico. C'est possible, quand il y a des ondes, que ça perturbe comme ça des appareils ? Je pense que c'est possible. Il pense que c'est possible. Eh ben, moi, j'irai pas faire une croisière. Attention, on arrive à la destination la plus dangereuse. Ouais, oui, je pense, oui. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un camping en Amazonie et une croisière dans le triangle des Bermudes ? Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Nico ? La jungle ? Ah, ça reste l'Amazonie, non ? Ouais. La savane ? Oh, vous êtes un peu dans le même contexte. Alors, vous n'y êtes pas du tout. La brousse ? C'est le moi, j'en ai trouvé un autre. Dans les... Je sais pas, dans une prison. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, une c'est prison. Pas mal. Tu te rapproches. Hein. Alcatraz. Ouais. Allez, je vais vous dire. Louer un petit Airbnb dans des favelas. Ah oui, avec un taux de criminalité énorme. Voilà, où il y a du trafic de drogue, enfin voilà. Ils existent, les Airbnb ? Ah ben non, ouais. Ça n'existe pas, je ah pense oui. pas. Ah oui, aussi, je pense. Ah, ah ouais ? Oh, tu dois, oh, tu dois en avoir partout. Ouais, en Colombie, à Medellin. Ça fait un peu peur, ouais. Mmh. Tu vas en Colombie, favelas de Colombie. Frisson assuré. Coup de feu... pour te réveiller, sympathique. Petit point de deal pour te promener, tu suis les points de deal avec un petit parcours, ça peut être rigolo. Et je pense qu'il ne faut pas se faire des ennemis là-bas. Hein. Non, non, non, et puis il ne faut pas prendre de marque. Je vous conseille, les amis, si vous allez là-bas, ne prenez pas de Vuitton, restez couleur locale. Ouais, effectivement, beau top 3. Hein. Top 3, l'Amazonie, le triangle des Bermudes et les favelas dangereuses. Dans l'Amérique latine, pas mal. C'est ça. Dans le dark tourisme, je m'étais du coup aussi renseigné, Olive, et il y a des tours opérateurs qui proposent d'aller visiter un village en Roumanie. Un village, un château en Roumanie. Vous savez de quel château il s'agit ? De Dracula, je oui, suppose. Oui, tout à fait, Vlad l'Empaleur. C'est celui qui a inspiré Dracula. Il s'appelle Vlad Dracul, tout court. Et il était connu pour sa cruauté, donc c'était un Roumain, mais d'une époque médiévale. Et vous savez ce qu'il faisait ? À part empaler, il trempait son pain dans le sang des victimes. Oui, et on vous propose d'aller visiter son château. Vous iriez ou pas dans les Carpates comme ça, visiter un vieux château lugubre ? Pourquoi pas ? Et boire de la palenka, c'est pas la boisson locale un peu forte ? Je sais pas, mais non, moi j'irai pas. T'irais pas ? Non. Non, moi je suis trop heureuse. Non, non. Oh, je pense que l'esprit est encore là, vous pensez ? Je sais pas, mais dans le doute. Après, je crois qu'il y a des gens quand même qui sont très friand de ce genre d'expérience. Il y a des tours opérateurs, parce que tu parlais de tours opérateurs, pour suivre, retracer des meurtriers, enfin la cavale des meurtriers ou les lieux où il y a eu des meurtres. Il me semble que ça me dit quelque chose. À Milwaukee, figurez-vous, vous pouvez suivre un circuit touristique consacré au tueur en série Jeffrey Dahmer. Donc vous allez dans ces endroits un peu fétiches, là où il prenait son déjeuner, là où il a tué sa première victime. Ça existe. Du coup, vous payez une certaine somme et vous suivez la trace de Jeffrey Dahmer. Il y a également en Ukraine, à la centrale de Tchernobyl, vous avez un tour opérateur célèbre qui, pour 150 euros, vous fait visiter la ville de Pripyat, qui est la ville qui a été évacuée, donc il n'y a plus d'habitants depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc vous voyez toutes les installations qui sont sans habitants, sans âme, et qui comme ça témoignent de cette catastrophe qui s'est passée dans les années 80. Voyage de l'extrême, le danger comme destination. Ça fait peur, ce voyage, ce dark tourisme. Flamingos Podcast. Allez, pour se remettre de nos émotions, je vous propose une carte postale que je vais adresser à Nico. Nico, veux-tu la lire ou veux-tu l'entendre? Je peux te donner une carte postale audio. Tu choisis. Je vais la lire. Il la lit. J'adore. Voilà, je te donne la carte postale. C'est des grandes cartes postales, hein, comme celle de Brie. J'écris beaucoup de choses quand je pars en vacances. Et le but du jeu, ça va être de deviner d'où cette carte postale a été écrite. Moi, je sais, mais vous ne savez pas, hein, Olive. Donc, du tout. Hein. Il va falloir deviner avec les indices. Je ne suis pas très, très forte à ça. Hein. Pour l'instant, Brie a un point, elle a découvert sa carte postale. Est-ce que Nico découvrira la sienne? Vas-y. Alors, je lis la carte postale. Hello, Nico. Le soleil brille. Les filles sont jolies. Après un vol 3h30 surclassé, je me suis dégusté un brandy et vermouth pour me permettre d'être dans l'ambiance. J'ai commencé mon séjour sur le chapeau de roue avec une soirée électro à la Bonbonnière. Une boîte de nuit branchée des Cyclades. J'ai un peu flambé mon budget avec une bataille de champagne entre moi et une table de fêtards allemands. Deuxième jour, je suis fauché. Mais j'ai réussi à gratter quelques pièces pour m'acheter un délicieux gyros que j'ai dégusté chez Kikix, une petite taverne où j'ai fait la connaissance d'Andrea et Maximo, un couple très sympa qui m'ont fait découvrir la super Paradise Beach. C'est mieux que la plage de Leonardo DiCaprio, avec ses eaux turquoises, ses fêtes incroyables et son doliprane du matin, ça vaut le détour. Je te laisse, car je dois aller chez Zorbas, un bar à thème avec des apéros endiablés. On dit que cet endroit est le berceau de la civilisation. J'adore ce retour aux sources. Vive l'Ouzo, et à bientôt. Bravo. Jack. Alors, d'où j'ai écrit cette carte postale? Il y a des indices. Olive, est-ce que tu as une idée? Un début d'idée, une piste? Je dirais Ibiza, mais... Ibiza, tu penses? Ouais. Nico, tiens, puisque c'est ta carte postale, as-tu une idée? Alors, je pense que les indices, c'est Cyclades, les noms de boîtes, un peu comme ça, Cyclades, un peu les trucs comme ça. Je ne sais pas d'où c'est. Ça te parle... Cyclades, c'est un très bon indice, c'est vrai. Mais je... Alors, le seul autre indice, c'est 3h30. 3h30. Forcément. Donc ça reste peut-être en Europe. Donc, Europe. Loin Europe. Moi je dirais. Je sais pas si c'est la Crète, un truc comme ça. Ah, la Crète. On n'est pas loin. Brie, je crois que tu as une idée. Bah, je pensais à la Grèce. Alors, c'est la Grèce, elle est forte. Crète, c'était pas loin. C'est la Grèce, et c'est plus particulièrement l'archipel des Cyclades. Donc c'est une archipel d'îles qui comprend 250 îles, dont l'île, et là j'étais sur une île précise, de Mykonos. Massimo et Andrea... Massimo et Andrea, quoi. Massimo et Andrea, oui, c'est deux Grecs. ça s'emboîte sur l'île, quoi. Massimo et Andrea. Alors, Andrea, c'est la fille, Massimo, c'est le gars. Ah, c'était la question. C'était un vrai couple. Enfin, Mykonos, ça s'emboîte, quoi. Mykonos, c'est particulier, mais vous savez que la discothèque, la Bonbonnière, que je vous ai citée, alors j'ai le prix de la carte, parce que c'est vraiment une boîte où la jeunesse dorée d'Europe vient faire la fête. Et quand je dis jeunesse dorée, j'ai la carte des prix. Est-ce que tu peux jeter un œil sur la carte? Alors, Bonbonnière Mykonos. Oh, c'est une belle carte. Hein. Attends, les prix, c'est... Ah, c'est... Les prix sont en euros. Oui, c'est d'euros, c'est la Grèce. Ah oui, d'accord. Allez... Si vous voulez un petit champagne 750 ml de veuve Clicquot Brut, c'est 250 euros. 250 euros ? Oh, oui, ça va. C'est le verre, je pense. 750 c'est 750 ml. C'est la moitié d'une bouteille d'eau, quoi. 250, c'est pas si cher. Je pensais que c'était des notes plus chères. Ah non, alors, si tu veux vraiment aller dans l'excès, c'est prendre la Magnum. Mmh. Cristal rosé 1,5 litre, 3900 euros. Ah voilà, on est dans des prix un peu plus tape à l'œil. C'est quoi le Magnum de Cristal rosé? Je connais pas du tout. C'est du champagne? En une seconde, t'es fauché. Oui, c'est ça. T'as même pas bu dans le verre que t'es fauché. Ça fait deux salaires en une seconde, c'est super. Donc avec ma battle de champagne. Il a à peine amené la bouteille sur la table que c'est fini pour toi. Non, mais c'est vraiment connu, effectivement, pour ces fêtes au niveau de la jeunesse dorée européenne. Il y a 6000 îles en Grèce. C'est vraiment le pays des îles. Et les Grecs cassent des assiettes pour célébrer la bonne fortune et chasser les mauvais esprits. Vous le saviez, il y a des traditions comme ça dans chaque pays. Et les Grecs ont inventé quelque chose qui nous embête au quotidien. Vous savez quoi? Non. Le matin. Le réveil matin. Oui, c'est eux qui ont inventé le réveil en utilisant des horloges à eau. Donc, c'était moins sonore à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment le berceau de la civilisation. Ça, c'est un autre indice. Voilà, bravo. Vous avez été assez fort. Est-ce que vous voulez continuer à voyager en musique? Oui. Est-ce que vous voulez continuer à voyager en musique? Oui, bien évidemment. Ah, je sens que il y a de l'entrain. Je vous dis un petit point sur l'horaire d'ailleurs, puisqu'on enregistre un peu de façon nocturne. Il est 1h43, on voyage dans la nuit pendant ce podcast. Et là, je vous propose de voyager avec des instruments de musique. Alors, le but du jeu, ça va être de deviner le pays d'origine de l'instrument de musique. Vous êtes fort en instrument de musique? Pas trop, mais on verra. Hein. Allez, c'est parti. Premier instrument de musique. J'ai piqué tous les instruments sur un site YouTube qui fait des quiz sur les instruments de musique, de musique du monde. Ça vous parle? C'est les mecs sous les ponts qui font du bruit avec un grand truc là. J'adore. Ça me fait penser à la Mongolie, moi. C'est pas ce qui a été interdit au match de foot? Le vuvuzela? Oui. Non. L'ocarina, peut-être. On doit deviner le pays. Alors vous devez deviner, si vous voulez, l'instrument de musique qui est connu, celui-là. Hein. C'est pas le plus inconnu. Il faut deviner le pays d'origine de cet instrument de musique. J'aurais dit la France. Tu aurais dit la France pour ce... Non, on part plus loin là. Oui, je vois, c'est un un gros tube en bois. L'Écosse, l'Irlande. Oui, alors, Bridget, je crois que tu vois l'instrument. Je vois l'instrument. Pour moi, c'est un instrument indigène d'Australie. Mais je n'ai pas le nom de cet instrument. Déjà, c'est ça. On est en Australie. C'est arborigène. C'est le DJ Ridoo. Ah, voilà. C'est le gros instrument avant. Donc, on n'est pas en Irlande. J'ai entendu Irlande par là, mais non. C'est l'Australie. Très vieil instrument de musique, d'ailleurs. Il a plus de 2000 ans. Donc, c'est à celui-là que je pensais, en fait, quand j'ai dit vous êtes là. Oui, tu pensais à celui-là, d'accord. 20 000 ans pour le didgeridoo. C'est vraiment l'instrument de musique de la terre australienne la plus ancestrale. Allez, on joue avec un autre instrument de musique. Un instrument de musique qui vient quelque part du monde, mais d'où exactement ? C'est plus difficile, ça. Alors, c'est un instrument bizarre, c'est un arc. Et ça donne ce bruit. C'est surtout le bruit à la fin. T'as l'impression que c'est que des fils. C'est des... Enfin, je sais pas, on est... Ah, il y a un fil, c'est ça. Il y a un fil. Donc, c'est un son assez simple. J'aurais dit Allemagne, un truc comme ça. Mais... Allemagne ? Pas du tout. Non. Quelqu'un a une idée ? Non. C'est le berimbau, c'est une espèce d'arc, c'est dans les Seychelles et île Maurice, donc on est vraiment sur les îles, et je sais pas comment ça se joue d'ailleurs, mais c'est particulier. Allez, autre instrument de musique. Une idée, vous pensez que ça vient d'où cet instrument de musique ? Ça vous fait penser à quoi ? Ça fait penser à un xylophone. C'est ça ? Moi, j'ai noté une espèce de xylophone en bois. Mm. Pas mal. Elle est forte. L'oreille de Bridget. Olive, toi, tu penses que ça vient d'où, ce son-là, justement ? Moi, de l'Asie. Alors, c'est l'Afrique occidentale. Ça comprend donc la Guinée, le Niger, le Bénin. Et on est là-dessus, c'est un xylophone. Donc, ça fait voyager, non ces percussions un peu africaines, on y est quand même. Et je suis d'accord, ça faisait penser un peu à l'Asie, le son. Les maisons en terre cuite, c'est comme ça, quoi. Les maisons en terre cuite. Mystérieux ce son, hein. Il vient de quel instrument, vous pensez ? Et de quelle partie du monde ? Je sais pas, mais j'aime pas le bruit, en tout cas. T'aimes pas du tout le bruit ? Ah non. Ça te fait des sensations... métalliques. Repoussantes. C'est métallique, tout à fait. Olive, tu penses que c'est fait par quel instrument, ce bruit-là ? Je sais pas, on dirait un truc qui est frotté à moitié. C'est ça, hein. C'est comme ça qu'ils font. Mm-hmm. Ils frottent, alors je vous le donne, hein, c'est le bol tibétain. C'est tout en métal. Et tu as une espèce de petit appareil pour frotter en métal également. Et il paraît que ça a plein de vertus. Alors c'est drôle parce que ça attire les ondes positives, mais pas du tout sur bruit. C'était les ondes négatives. Ça améliore la concentration apparemment aussi. Est-ce que vous êtes plus concentré ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous en voulez un dernier ? Oui. Non. Est-ce que vous en voulez un dernier ? On part dans une destination, écoutez. Un klaxon ? Un klaxon ! J'aurais dit une otarie. Et toi, Nico ? Un animal aussi ? Moi, j'aurais dit la forêt amazonienne. Ben, on n'est pas loin. On est tout près. Donc déjà, géographiquement, tu y es. C'est le cuica, c'est un tambour brésilien qui est utilisé dans la samba. Alors c'est un des sons de la samba, évidemment, et pris à part, ça fait effectivement un bruit un peu bizarre. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Après, tu remets toute une musique et ça donne du bon son. Et ben on a voyagé comme ça, avec ces instruments de musique. Et j'ai une dernière carte postale pour Olive. Veux-tu la lire, Olive ? Oui, vas-y. Alors, je vais te la donner. Vous connaissez le principe. Sur cette carte postale, il y a des indices qui vous permettent de découvrir l'endroit depuis laquelle elle a été écrite. Olive, je te la confie. C'est ta carte postale. C'est moi qui suis parti et je t'ai rapporté cette carte. Mais c'est moi qui ai la plus longue, hein ? C'est toi qui as la plus longue ? Ah ouais. Ah, mais c'est un bel endroit, je pense. Coucou, Olive. Je profite d'une pause dans un izakaya pour t'écrire une petite carte depuis ce pays incroyable. L'izakaya, c'est un petit bistrot local très sympa. Je traverse le pays de ville en ville et ce soir, je dormirai dans un hôtel capsule. C'est une boîte de 2 mètres de longueur par 1 mètre de largeur et 1 mètre de hauteur. Il y a un lit et c'est tout. Ce n'est pas fait pour Wembanyama. Oula, on recommence. Wembanyama. Mais ça fait le job. Sinon, les autochtones sont vraiment surprenants. Je me suis retrouvée dans un festival consacré aux insultes. Tawagoto, ça veut dire merde. Ou bonne chance dans certains cas. Et justement, il y a 2 jours, j'ai joué quelques pièces dans un pachinko. C'est un espèce de petit casino bruyant. Et là, sur la machine, s'est affiché 3 figures identiques de chats manekineko. C'est un des symboles du pays qui représente ici le jackpot, ou plutôt chaque pot. Plein de pièces sont tombées et je me suis retrouvée avec un tas d'amis. Nous sommes allés fêter mon magot au Kyabakura. C'est une boîte très cool avec des bières au goût improbable, thé vert, yuzu, riz. Autant te dire que les grains de folie n'étaient pas que dans la bouteille. Demain, je vais faire trempette dans un onsen. C'est un bain thermal naturel où la coutume veut qu'on soit entièrement nu. J'espère ne pas leur donner trop de complexes. Je te laisse, sinon mes ramen vont refroidir. Kissou Olive. Est-ce que vous avez une idée depuis quel endroit a pu être écrite cette carte postale, Olive? Moi je penserais oui à l'Asie avec tout ce qui est ramen, le riz, l'alcool de riz. Mais où après précisément Je pense que le chat, c'est un bon indice. Le Japon, je crois, le chat, ou la Chine, je sais plus. Moi, j'aurais dit la Chine. Nico, tu pars plutôt sur la Chine. Tout à fait. Ouais, j'aurais dit Japon. Chine, les Chinois. Alors, il y a une bonne réponse, et c'est du côté d'Olive et de Brie. C'est effectivement le Japon. Il y avait des indices comme ça, et tu l'as super bien dit, le manekineko, c'est vraiment leur symbole, c'est cette espèce de gros chat. Vous en avez un ici d'ailleurs, Olive, un gros chat? Oui, exactement. Vous l'avez rapporté du Japon? C'est ça, mais son petit nom, c'est Krakote. Ouais, ça fait moins japonais. Ah oui, là, tout de suite. Il fait 6 kilos, anciennement proche de 7. Un chat obèse, quoi. Mais oui, non, mais c'est des gros chats là-bas. Qui a son poids, certes, mais qui est très affectueuse. Elle est affectueuse. Vous savez, elle serait contente là-bas parce qu'il y a des temples consacrés aux chats. Vous avez des temples qui sont recouverts de figurines de chats. Et c'est vraiment une particularité du Japon. Et puis après, il les trie et puis il garde que les plus gras. Il la boufferait là-bas, non? Il boufferait Krakote là-bas. Non, c'est pas le Vietnam. Chine. C'est en Chine qui mange les chats, je crois. Ah ouais, c'est en Chine. Krakote, putain, merde. Oh bah là, il y aurait pour un petit moment. Oh, hein. Pour le quartier, quoi. Allez, je vais vous donner quand même quelques infos sur le Japon. Vous savez que les fruits, c'est vraiment quelque chose qui est très cher là-bas. Notamment le melon. Et 2 melons étaient vendus aux enchères pour 45 000 euros. C'est incroyable. Donc, faut venir avec ces melons et les vendre. Vous passerez un bon séjour. C'était peut-être en or. Hein. Ils étaient en or, tu penses? La capitale du Japon, tiens, Nico, comme ça. Tokyo. Tokyo, c'est bien. La monnaie du Japon, tiens. Ah, fais-moi le malin maintenant. Non, je l'ai su. Le yen. C'est pas le yen, oui. C'est le yen. Je l'avais su. Ouais. C'est le yen. L'alcool, le saké, et il y a beaucoup d'alcool de riz, comme ça. Les symboles, bah, c'est le drapeau, hein, c'est le mont Fujiyama. Une petite particularité, tiens, j'ai découvert qu'il y avait des hôtels où la nuit c'était 1 euro, mais la particularité c'était d'être filmé H24 sur YouTube. Vous iriez dans ce genre d'hôtel? Non, je pense pas. Bon, si c'est 1 euro, ouais, j'y vais. C'est pas cher. Par contre, tout le monde te regarde. Hein, c'est... J'ai entendu des assistants me demander là, pour le podcast, est-ce qu'on te filme pendant que t'es aux toilettes? Non. C'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra, justement. Eh ben, tu dors dans les toilettes. Tu dors dans les toilettes. Voilà cette dernière carte postale japonaise. Flamingos Podcast. Et bien, après ce tour du Japon, nous allons partir du côté des États-Unis. Et c'est la chronique L'Amérique, c'est l'Amérique. Oui, il y a deux personnes, deux chroniqueurs, des experts approximatifs qui sont allés aux États-Unis, dont notamment Nico. Et moi, j'aime bien cette destination des États-Unis. On a parlé tout à l'heure de la route 66. Toi, Nico, justement, les States, t'as été où? Alors moi, c'est assez particulier parce que moi, je suis allé aux États-Unis, mais non dans des endroits touristiques. Je suis allé dans le Kentucky. Le Kentucky, dit le pays du cheval. Et plus précisément, à Richmond. Oh là là, tu peux pas être plus typique, quoi. Richmond, Kentucky, pays du cheval, ça j'ignorais. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Alors moi, je me suis retrouvé là-bas parce que j'avais fait une connaissance par des vacances d'un pote à Preston, en Angleterre. D'accord, donc tu étais en Angleterre, t'es ami avec un pote et lui, il te dit « j'ai un plan aux États-Unis », quoi. Alors, c'était une femme, entre autres, une femme. À Preston, et on avait gardé contact, et c'est comme ça que j'ai atterri aux États-Unis. D'accord. C'est la femme qui était américaine? Tout à fait. Une jeune femme? Oui. Elle s'appelait comment? Mélissa. Mélissa, du coup, que tu avais vue en Angleterre, elle te dit, avec ton pote, viens chez moi aux États-Unis, quoi. Tout à fait. D'accord. Et moi, qui n'avais jamais été aux États-Unis, bah, je dis, bah, pourquoi pas y aller? Ouais. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que t'as découvert là-bas? C'était quoi l'ambiance au pays du cheval? Alors, ambiance un peu bizarre au début parce que t'arrives un peu dans l'Amérique profonde, t'arrives dans les bars un peu et les gens te regardent et se disent, lui il est pas du coin. Et ils ont tout de suite vu. Ah ouais, ils te défient un peu du regard, enfin c'est un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle le pays des rednecks du coup? Je sais pas du tout. Bah, vraiment des gens des terres, ouais. Quoi, des États-Unis, du fin fond de. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai logé chez un gars qui s'appelait Eddie. Eddie? Eddie, et qui m'a laissé son logement pour 2 semaines alors que je le connaissais même pas. Ah, c'est sympa quand même, il y a une confiance. Je suis arrivé, le lendemain matin, il est parti. D'accord, il t'a dit, moi, c'est cool comme. Il m'a dit, je te laisse le logement pour 2 semaines et je reviens après. Bon. Et c'était quoi ta vie? T'as vécu comme un Américain le matin? T'allais prendre un café, je sais pas, c'est à la petite cafette du coin ou... Pas forcément, non. J'allais pas. Alors, j'habitais pas dans une grosse ville. Hein. J'allais pas à pied de là où je vivais pour aller. Je sais pas, moi, dans les Starbucks, enfin, dans les trucs comme ça, quoi. Ouais. Non, on venait me chercher. Ah, on venait te chercher, tes ouais, amis, quoi. Tout à fait. Et vous faisiez quoi comme activité? J'ai fait plein de trucs là-bas. J'ai fait. Ah, vas-y, raconte. De la découverte de forêt, du tir. J'ai fait. T'as fait du tir? Ah oui, pour la première fois de la vie, j'ai fait du tir. T'as touché une arme? Un fusil à pompe, un pistolet mitrailleur. Non. Tout à fait. Ah, mais c'est vraiment. Sans foi ni loi, quoi. Et ils t'ont confié des armes. Et c'était dans la famille Asti. Asti, d'accord. Asti, t'arrivais. Alors, la famille Asti, habitait dans un endroit proche d'une forêt, mais quasiment collé à une forêt, où tu arrives et tu rentres dans leur logement. Et tout de suite à gauche, tu regardes l'armoire et là, il y a plein de fusils. D'accord. Donc, et j'ai su qu'en discutant qu'ils chassaient le cerf, là-bas, ils chassaient le cerf, ils faisaient du saucisson de cerf. Et ils m'ont donné une arme dans les mains. Un petit gun avec une lunette. Apparemment, ils avaient bien confiance en moi. Ouais, putain. Parce que j'aurais pu m'en servir. Mais, et là, c'est là qu'ils m'ont demandé est-ce que tu veux tirer dehors ? Bah, j'ai dit ouais, pourquoi pas ? J'ai jamais tiré. Et c'est là que j'ai découvert le pistolet mitrailleur, le gun, le fusil à pompe. Et il m'avait mis des cibles un peu parsemées juste avant la forêt, de haut en bas, et il fallait que je vise des cibles. Donc, grosse expérience, parce que quand tu tires un fusil à pompe pour la première fois de ta vie, tu sais pas le recul que ça a. Et ouais, non, c'était bien. Et alors, tu t'es retrouvé sur les fesses ? Non, pas du tout. Non, t'as réussi à tenir ? Le gars me disait d'enchaîner au fusil à pompe, alors que moi, je tirais, je chargeais tranquille, je retirais. Et pour lui, il fallait enchaîner, quoi. Et c'est à ma dernière balle que j'ai touché la cible. Ah d'accord. Vidéo à l'appui d'ailleurs. C'est une expérience ça quand même d'aller tirer aux États-Unis, dans les États-Unis profondes, d'aller tirer sur des cibles et de goûter du saucisson de cerf. De cerf. C'est ça. Tout à fait. Ça c'est l'ambiance. Là tu peux pas être plus en immersion. Ben, le gars me montrait tout quoi, ses armes, ses pièges. Comment il grappait un arbre avec ses systèmes pour monter aux arbres tout en haut. Pour aller en haut et il tirait de là-haut. Et il tirait de là-haut. Oh. Il attendait que les cerfs arrivent et il tirait les cerfs. Tu t'es retrouvé dans une ambiance incroyable. Ouais, j'ai goûté. J'ai fait le nouvel an là-bas d'ailleurs. Ah oui, c'est important les moments quand tu vas en voyage où tu découvres. J'ai fait des ambiances. Du tir là-bas. J'ai goûté au moonshine, un alcool qui est synonyme à la goutte en France. Oh, super fort, quoi. Super fort, ouais. Ça a bien fait mouche. Pourquoi ? J'ai fait du beer pong. Ce qui n'est pas une spécialité forcément américaine, mais... Non, mais... Le faire aux États-Unis, c'est sympa. Tout à fait. Ah, je vois. Et du coup, petit bilan. Alors après, il n'y a pas eu que ça aux États-Unis. Il y a plein d'autres choses. Il y a eu... les visites de forêt où tu arrives toujours par la famille Asti, cette fameuse famille qui chasse le cerf, qui nous emmène dans une forêt où tu dis bah on va dans une forêt, et en fait tu arrives au fin fond de la forêt et en fait tout est verglacé avec des pics de glace, c'est un nom bien spécifique, des pics de glace, des stalactites, et tu t'attends pas du tout en fait. C'est le Kentucky, c'est un peu au nord, quoi, du coup. Non, le Kentucky, c'est pas que c'est au nord, non, c'est centre-est. Mais il fait froid en hiver. Tout à fait. Mais en fait, c'est pas qu'il fait froid. C'est qu'au début, t'arrives dans une forêt lambda, et au fin fond de la forêt, t'as vraiment juste un espace qui est verglacé. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais c'est verglacé. Ouais, c'est ça, les États-Unis, il y a vraiment des endroits un peu géologiques, un peu particuliers, quoi. Ouais, après, il y a eu les boîtes de striptease, il y a eu des trucs... tu passes de la forêt aux boîtes de striptease. Le mec qui est recalé à la boîte de striptease parce qu'il est en short. Tenue correcte exigée en boîte de striptease aux États-Unis. Il est 1h du matin, du coup, bah, tu vas avec le gars qui va s'acheter un jean à 1h du matin, mais là-bas, c'est tout tu est ouvert. Tu peux acheter des jeans dans le Milwaukee à 1h du matin ? Tout à fait. Des Levi's ? Alors, je sais pas c'est quoi des jeans. Non, mais... C'est pour donner une marque. Il est allé s'acheter un jean, on est retourné à la boîte et on est rentré. D'accord. Voilà. Et c'est un peu. Et c'est vraiment en mode GTA, quoi. Mais vraiment. Quand tu dis en mode GTA, il y a les filles qui dansent, tu glisses des billets de banque dans les strings. Vraiment en mode GTA où tu arrives dans la boîte, enfin, dans le. Truc de dans room, la pièce, le showroom. En fait, dans la grande pièce où tout le monde est, en fait. Mmh. Et là, tu vois les filles, tu vois les barres de pole dance, les gens qui donnent des billets dans les slips, etc. D'accord. Ah, t'as vu ça, quoi. Et moi, j'ai donné des billets. Sauf que j'étais pas fou, je donnais des billets de 1 dollar. Ouais, aux voilà. États-Unis, t'as vraiment les billets de 1 dollar, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, je mettais les billets. Mais ça fait classe, c'est un billet. Ouais, mais je mettais des billets dans le string de la danseuse, mais je mettais des billets de 1 dollar. Donc j'ai beau de me mettre 10 fois, j'ai donné 10 dollars. Il a donné 10 dollars, mais par contre, il a touché 10 fois la danseuse. Il est pas bête, il est rusé, ce Nico. Donc, super souvenir. Ah oui. En fait, c'était comme dans le jeu GTA, en fait. Mais t'étais dans ton même. GTA à toi, en à plein cœur du Kentucky. Eh oui. On va en rester là-dessus, sur ce voyage aux États-Unis. Je garde des anecdotes. On fera sans doute un tome 2. Hein. C'est énorme. J'ai l'impression qu'il faut qu'on creuse la famille Asti. Alors, après, moi, j'ai des anecdotes. C'est pas la famille Asti, par contre. C'est d'autres trucs un peu plus, on va dire, sombres. Oh là! Et on basculera plus, pas dans la fantasy, mais un peu plus dans le sombre, un peu plus dans en la drogue, bonus. Tout ça. Eh, écoute, je te propose un truc, on referme là le podcast avec Olive, avec Brie, et juste après tu nous dis ce côté sombre, ça tout te à va? Fait. Tout à fait. C'était une super émission, on a beaucoup voyagé, moi j'ai l'impression d'avoir été dans plein de pays. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Olive? Ah bah que c'était sympa hein, de tous vous voir autour de ce thème. Toi aussi, Brie, t'as pris des couleurs depuis ce podcast. Ah oui. Ouais. Bah j'ai dû bronzer, effectivement, c'est l'été, j'ai voyagé un peu moins en Norvège, quoi. Là j'ai pris un peu moins de couleurs, mais... Mais t'as un bon teint, quoi, si voilà, tu veux, de reposer, c'est... Je suis pas sûre, c'est fatigant, tous ces voyages. C'est donc... vrai. Il y a le décalage horaire. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que je vais aller au pays des rêves maintenant. Ça marche. Allez, on vous fait juste de gros bisous. De gros, comment on dit au Japon, kizu. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye. Bisous tout le monde. À bientôt. Et vive le Flamingos. Au revoir tout le monde. Allez, c'est les bonus de l'émission. On vous l'avait promis dans le podcast, on va découvrir la face sombre du Kentucky avec Nico qui est resté et qui va nous dire ce qu'il ne pouvait pas dire tout à l'heure parce que c'était dark. C'était du dark tourisme hein, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, ces Asti? Alors, c'est pas les Asti en tant que tels, parce que j'ai vu beaucoup de familles là-bas. J'ai vu la famille Asti, j'ai vu une autre famille qui était un peu plus correct, tranquille. Mais j'ai découvert à l'autre endroit une maison. Alors, je ne saurais pas dire où c'est. C'était pas très loin de là où je logeais. Et une maison où tu rentres, il y a un pied de bœuf juste à l'entrée à gauche. Et il y a une table ronde. Une table ronde où il y a plein de gens qui sont autour. Dont un gars qui est avec une petite... comme une petite calculette, carrée, ou t'as un cadran numérique. On dirait une espèce de secte pour l'instant. Alors, pas du tout, c'est juste qu'il y en a un qui a un cadran numérique avec une autre partie pour peser le gramme. Les grammes de quoi? Le gramme de coke. Non. Tu t'es retrouvé dans un plan un peu narcotrafic? Eh oui. Vraiment? Et ça enfin, moi, j'aurais été horrifié, je serais parti. Tu pouvais pas trop, quoi. Alors. Le pire, c'est pas ça. C'est que moi, je voyais les gars qui. L'autre, il pèse la coke, le gramme de coke, et après, qui donne ça au gars, et le gars lui donne en liquide un dollar et tout ça. Mais tu te dis, mais. je suis à l'ouest. Bah, t'étais à l'ouest d'ailleurs. Et c'était bien réel. Sauf que moi. Mais pourquoi ils t'ont envoyé là-bas dans, j'en sais dans rien, des moi, histoires je... T'imagines, moi... la police aux États-Unis descend, tu reviens plus en France. En fait, c'était une soirée, une sorte de soirée. Ah, c'était une soirée, il y avait des dealers. C'est pas une soirée où t'arrives, c'est musique à fond et tout, non. Et toi, t'as fait du dark tourisme. Moi, j'étais sur un fauteuil. Toi, t'étais assis zen, tu regardais le zen, tranquille, et je regardais les gens autour de la table. Et à la fin, alors à la fin, très longtemps après, hein, genre 3 heures après, je suis parti de la maison, de cette maison-là, pour retourner à mon logement, pour aller dormir. Sauf que j'ai piqué la calculette. Ah, j'ai eu peur, je croyais que t'étais reparti avec la marchandise. Parce que je te rappelle que tu nous as parlé de gars qui avaient des pistolets mitrailleurs. Alors, c'est les mêmes ou pas? Non, c'est pas du tout les mêmes. Oh, c'est pas la famille Asti. Quel plan. C'est un autre endroit, en fait, que je connaissais pas du tout. Sauf que moi, je suis parti avec la... La calculette du mec. Pour compter ses sous. Avec le cadre numérique, pour peser le gramme de cocaïne, en fait. Ah, ça faisait balance aussi. Ça faisait balance. Et moi, je suis arrivé là où je logeais, et il y avait une nana qui était là. Mais pourquoi t'as piqué ça? Je sais pas. Instinctivement, j'ai piqué ça et je suis parti avec. D'accord. Et là où tu reviens, il y avait une fille. Sauf que moi, je reviens là où j'étais logé, il y avait une nana qui était là. Puis on discutait. Et la nana, elle a vu que j'avais une calculette à côté de moi. Une calculette à coke. Elle a tilté. Et après, il y a la nana que je connaissais qui a ramené. Et moi, j'avais planqué la calculette. Et l'autre a dit, ouais, mais il s'est ramené avec une calculette. Nico. C'est pas bien, ça. Donc, du coup, je savais que les gars qui étaient à la fête, à la soirée, recherchaient ces calculettes-là. Donc, je me suis dit, je suis aux États-Unis. Recherché par des dealers. Recherché par des mecs qui vendaient de la coke, ouais, qui avaient besoin de leur calculette. Donc, je me suis enfermé dans ma chambre en haut, planqué la calculette dans les affaires du mec qui m'hébergeait. C'est le pire plan du monde. Et voilà. Ça, c'est vraiment des galères de vacances, quand même. Et la nana qui m'a accueilli quand je suis retourné au logement a dit à l'hôte que je connaissais, ouais, il avait une calculette. Il avait la calculette quand il est rentré. Une Texas Instruments. Et la nana que je connaissais a dit, mais non, c'est pas possible et tout. Enfin, ah, et t'as couvert ou... Enfin, elle a dit que c'était pas possible, quoi. Mais elle avait vu la calculette? Bah non, parce qu'elle était pas là. Ah, elle était pas là, elle. Okay. Donc, voilà, moi je l'ai planqué tout en haut dans des tiroirs au fin fond de cahiers, de documents. Et j'ai jamais eu de retour. Donc, et tu l'as encore la calculette? Non, je l'ai pas. J'aurais bien aimé l'avoir, tu vois. En vrai, c'est un trophée. En vrai, j'aurais aimé l'avoir. Tu vois, dans ta vie, tu peux dire j'ai volé une calculette d'un cartel, tu vois. J'ai volé une calculette dans un logement d'un mec qui vendait de la coke dans le Kentucky. Alors moi, c'est vraiment des choses, j'aurais été mal à l'aise parce que c'est vraiment des choses que je prends pas du tout. C'est même, j'aurais cru que c'était de la farine, je pense, tu vois, tellement je suis naïf. Et ça se voyait, enfin, c'était clair et net. Ils faisaient pas du pain, quoi. C'est pas du levain, quoi. C'est pas du levain. Ok, bah, c'était la face sombre des vacances. Galère de galère, mais tu t'y es mis tout seul, comme un grand. Ah, gros souvenir. Mais au final, ça s'est bien passé. Ouais, t'as pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème d'ailleurs. Heureusement. Ils ont racheté une autre. En fait, j'ai planqué la calculette quand j'ai su que les gars te recherchaient, et je me suis dit, putain, là je suis dans la merde. Du coup, ils allaient de maison en maison, enfin je m'en rends pas bien compte. Bah, en fait, non, ils sont pas venus là où j'étais, en fait, mais je sais pas. Ouais. Il a cherché où du coup? Je sais pas du tout. Ils pensaient qu'elle était dans le jardin, dans le... En fait, je pense que j'étais pas. Je pense que j'étais le seul gars de la soirée. À pas avoir pris de substance. Le mec en vacances, français, pas du tout incriminé, quoi. Ah oui, d'accord, il pensait pas que c'était toi. Alors que c'était bien moi, quoi. En fait, quand je suis parti, je l'ai prise, elle était seule sur la table, et je l'ai prise et je suis parti avec, quoi. Quel prank. Voilà. Super blague. Mais qui pourrait tourner mal, donc chez vous, ne le faites pas. Hein. Toujours se méfier des gens. C'est ça. Et des Français en apparence calme. Bah, c'était un super bonus. Merci, Nico. Je te dis à bientôt. Eh, vous avez été très bon, hein, avec Olive. Eh ben, plus tard. Bah, on se refait ça. Tout à fait. Ciao. Ciao. Bye. Salut. Bye.